Choi Dong-hye, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, a inspecté le complexe sidérurgique de Fang-hye qui opère des innovations dans la production depuis le premier jour de l'année. Il a examiné des procédés de production pour s'enquérir de production des rails lourds destinés à la voie large en construction entre Hisan et Samjiyon et encouragé les sidérurgistes à accroître la production. Lors de la réunion consultative, a été signalée l'importance de la tâche du complexe dans l'entreprise pour l'aménagement de l'arrondissement de Samjiyon comme un lieu révolutionnaire. Les participants à la réunion ont discuté des questions posées pour la mobilisation générale des structures du parti et des organisations des travailleurs en faveur de la production accélérée des rails lourds.